Le classement va continuer dans quelques instants avec le numéro 15, mais pour l'instant en mode Noël, fête de fin d'année, avec Mariah Carey, All I Want For Christmas sur Espace. Bonne soirée. Espace. La plus normande des radios. Espace Top 20. Les 20 meilleurs sons. Les 20 meilleurs tubes. C'est le Top 20 Espace. Et yes, c'est reparti pour eh bien, une nouvelle demi-heure hein, du Top 20 avec le numéro 15 qui arrive dans quelques secondes. Ce sera Chris Cross, Amsterdam X et The Boy Next Door avec Whenever. Et j'en profite hein, pour vous donner rendez-vous ce lundi du côté d'Evreux pour le réveillon du jour de l'an organisé par nos amis du comité des fêtes. Ça se passe à la halle des expositions. Et vous êtes bien sûr attendus nombreux tout de suite. Ah, mon téléphone qui sonne, ça arrive. Voici le numéro 15, bonne soirée. Espace. Top 20. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together.

as I've done 100 things, you've only dreamed. Officiel des 20 titres les plus joués sur Espace. À l'instant, sur Espace, en Normandie, en Picardie, deux nouveautés que vous avez entendues, We Are Gold, It's a Shame, et puis Dido, Friends, c'est juste énorme. Passez encore une fois une belle soirée, bon week-end. Vous êtes dans le classement Espace Top 20, qui va continuer maintenant avec le numéro 12. Ce sera Angelina avec Jamais Sans Toi. Alors, pour la petite histoire de ce titre, Angelina, elle a 12 ans, elle a gagné l'année dernière The Voice Kids sur TF1, et cette année, elle nous a représenté avec ce titre là à l'Eurovision Junior et nous sommes arrivés deuxième du classement. Ça c'est trop bien, bravo Angelina, numéro 12. Espace top 20. Le top 20 numéro 12. Des souvenirs plein la tête, mais pas un seul que je regrette. Des fous rires chaque fois que se croisent nos regards, des journées à se raconter toutes nos histoires. Si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi, I'm happy to have you in my life. Te serrer dans mes bras ou te donner le smile. Désolé, always been so hard for me to find the words to say. Un peu beaucoup, no way without you. Avec toi tout est plus facile. Y'a des hauts, y'a des bas, mais surtout il y a toi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi.

certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient, d'autres qui prieraient, ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir, et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais si on devait Normand, les Picards, si vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir, il est tout juste 19h à Évreux. Les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'acte 7 de la mobilisation des Gilets jaunes. De premières tensions ont éclaté cet après-midi dans le 15e arrondissement de Paris. Les forces de police se sont déployées massivement dans le quartier de Beaugrenelle, non loin de la Tour Eiffel, faisant usage de gaz lacrymogène alors que des Gilets jaunes mettaient le feu à des poubelles. Plusieurs centaines de Gilets jaunes défilaient en milieu d'après-midi dans le quartier de Beaugrenelle après avoir fait un tour des médias installés dans le 15e arrondissement, notamment les locaux de BFM TV et France Télévisions. Les forces de l'ordre tentent à présent de les disperser. Peu avant 17h, les Gilets jaunes se rapprochaient de la Tour Eiffel. L'affaire Benalla à présent. Une enquête préliminaire a été ouverte ce matin par le parquet de Paris dans l'affaire des passeports diplomatiques de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Trois chefs d'accusation ont été retenus. Abus de confiance, usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle et exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels. Sur les routes, après le chassé-croisé de Noël, place au week-end du Nouvel An. Bison futé, voie verte sur les routes de France d'aujourd'hui au mardi 1er janvier. Aujourd'hui, la circulation est dense en direction des massifs montagneux et des stations de sport d'hiver, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A40, A42 et A43. Les forces de sécurité néerlandaises ont arrêté dans le port de Rotterdam 4 personnes soupçonnées de préparer un acte terroriste. Ils sont suspectés d'être impliqués dans la préparation d'un acte terroriste, selon une brève déclaration de police qui ajoute que les investigations vont continuer ces prochains jours et l'accent sera particulièrement mis sur la nature et l'échelle de la menace terroriste. Et puis les Français n'auront pas besoin de se précipiter dans les mairies en cette fin d'année pour s'inscrire sur les listes électorales. Pour la première fois, ils auront jusqu'au 31 mars pour entreprendre cette démarche qui leur permettra de voter aux élections européennes de 2019. Sur la plus normande des radios, Dorian. Et le classement Espace Top 20 continue maintenant avec les 11 premiers de ce classement. Espace, plus de sons, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et oui, le rendez-vous incontournable qui continue maintenant avec les 11 premiers du classement. Et traditionnellement, ça va démarrer avec le numéro 11. Et petite chute, hein, moins 5 points pour Feder, Brisvine et leur Control. L'arrivée donc en numéro 11 de cette semaine, ça fait un petit peu mal au derrière. Et puis vous avez rendez-vous les 25, 26 et 27 janvier du côté de Rouen au Parc des Expos pour les puces rouennaises. N'hésitez pas à réserver vos places. Dès maintenant, numéro 11 maintenant. Bonne soirée, bon week-end, soyez prudents. Espace Top 20. Le Top 20, numéro 11. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation.

mais c'est moi qu'elle attend. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. Donne-moi un peu de temps. Radio. Espace en mode souvenir. N'hésitez pas à nous laisser vos messages comme d'hab sur le répondeur des auditeurs Espace. C'est le 0950 35 50 50. Mode souvenir avant de découvrir les 5 premiers du classement. Voici John Lennon, Woman sur Espace. I can hardly express my mixed emotions. Feeling and thankfulness.

wanna be forever young? Do you really want to live forever, forever and ever? Laisse-moi te parler de ma vie en dents de scie. Je n'ai différent, c'est pas la mort à la vie. Sentir le bonheur, ça n'a pas de prix. Donc laisse-nous ici, laisse-nous vivre. On ne veut plus perdre de temps, ouais, faire les choses, ouais, comme on le sent. Je me sens libre, jeune et fou, je le suis. On traîne dans la vie, on se raconte en nos vies. S'imagine en riche main dans nos poches vides. On rêve le jour et on vit la nuit. Et on ne veut plus perdre de temps. Non, non, non, faire les choses sans permission. Comme on le sent, on ne veut plus perdre de temps. Non, non, non, ça passe vite. Et pourtant, forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever? Numéro 1 de cette semaine, Boosty Forever Young. Bonne soirée, bon week-end, 19h55. Voici David Leroy pour la Proc Télé de ce samedi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 29 décembre. Ce soir sur TF1, une nouvelle émission, La Chanson Secrète. C'est présenté par Nikos Aliagas, qui est le taulier dans ce genre d'exercice. Et le concept est tout simple, vous avez des artistes qui viennent à côté de Nikos dans un canapé et ils vont découvrir un autre artiste chanter l'une de ses chansons. Et dans cette émission, vous allez découvrir un Nikos totalement bouleversé. Je ne vous en dis pas plus, ce serait franchement moche de spoiler. France 2, c'est la finale de Prodige avec les petits enfants qui viennent faire plein de truc sympa, la soirée présentée par Daphné Burki. Bon, j'avais un petit doute, hein, et puis en fin de compte, elle s'en est pas trop mal sortie. Bon, là, ça fait deux fois que je dis que j'aime bien. J'ai l'impression d'être Michel Drucker, sortez les crucifix. France 3, la soirée Meurtre A, avec un inédit en première partie de soirée, Meurtre à Bride-les-Bains. Et là, on retrouve qui à Bride-les-Bains, qui est quand même le lieu des cures pour les personnes âgées. Notre amie Lynn Renaud, et vous le savez, je n'attaque jamais Lynn, pas touche. Meurtre à Guérande, une série salée, celle de Guérande. Oh, comme je suis drôle, on dirait Laurent Ruquier. Canal Wild River, l'histoire d'un garde-chasse qui découvre le corps d'une jeune femme enfouie sous la neige. Arte, un documentaire monument sacré, nous sommes en Asie et nous allons découvrir les temples, la nature, les hommes et les dieux. M6, NCIS, Los Angeles toute la soirée, inédit en première partie de soirée, des rediffs en seconde. Le meilleur de la TNT, C8 de l'Ovalie, Perpignan, Clermont, Auvergne, c'est la 13e journée de Top 14, France 5 échappée belle ce soir, on va découvrir les Maharajas en Inde. On peut aussi découvrir les danses indiennes, j'adore. C'est trop chelou. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Et voilà, le classement Espace Top 20 touche à sa fin pour l'année 2018. Oui, c'est triste, mais on se retrouve en 2019 dès la semaine prochaine pour un nouveau classement. Ce sera toujours samedi entre 18h et 20h. En attendant, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et puis j'embrasse très fort Morgane qui vous a accompagné sur ce classement entre janvier et juin et je lui fais plein de gros bisous. Voici Roméo et Juliette. Ciao à la semaine prochaine et bonne fête. C'est ce qui est de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux.